nos han pedido que vengamos a la lucha, compañeros. Como ustedes viendo, une journée à la Paz, c'est aussi se retrouver au beau milieu d'une manifestation de mineurs. Mais ne commençons pas par là. Nous débarquons à La Paz par El Alto. Le dépaysement et l'immersion sont immédiats. Nous prenons de la hauteur en prenant le téléphérique pour nous rendre compte de ce à quoi ressemble La Paz, pour de vrai. Cette ville étendue dans une sorte d'immense cratère. Des petites casas colorées à perte de vue, des marchés dans tous les sens. Les cabines volent au-dessus de cette ambiance chaotique pleine de vie, avec comme toile de fond les sommets enneigés du Huayna Potosí et Illimani, glaciers emblématiques de Bolivie de plus de 6000 mètres d'altitude. Nous nous arrêtons à Sopocachi, à deux pas du centre agité. On adore se balader dans les rues tranquilles de ce petit quartier bobo de La Paz. On y déniche des petites échoppes, des petits bars qui valent la peine de s'y arrêter. Nous prenons un maté de coca au marché de Sopocachi, la boisson sacrée et traditionnelle, le remède contre le mal d'altitude. Et la yapa, c'est-à-dire le petit plus offert par la vendeuse, parce qu'il n'y a pas toujours un bon client ici. On se dirige en direction du centre, avec une petite pause, jus de fruits frais et salteña, en chemin, au Mercado Rodriguez. La salteña est l'encas de 11 heures des Boliviens. C'est un petit chausson fourré au poulet ou au bœuf dans son jus. Le challenge, la manger, sans couvert, sans se tâcher. Ville métissée et contrastée, La Paz est le parfait échantillon d'un pays tout entier. Du quartier des marchés, bariolé de couleurs et rempli d'odeurs, on traverse quelques rues pour se retrouver au cœur du quartier historique, devenu le centre d'affaires. Deux mondes qui coexistent à 200 mètres de distance et dont le seul point commun est le chaos permanent et bruyant qui les caractérise. De tomber au milieu d'une manifestation. Aujourd'hui, ce sont les mineurs de l'or que nous croisons sur le Prado, venus de toutes les régions du pays pour demander attention au gouvernement, immobilisant une partie de l'artère principale de la ville. Nous reprenons un maté de coca. Ou non, en fait, nous essayons des feuilles à mâcher sur la rue Sagarnaga. Nous traversons le Mercado de las Brujas, le marché aux sorcières. Aquí nosotros preparamos ofrendas para pagar a la tierra, a la Pachamama. También preparamos. Marta est tenante d'une boutique du marché remplie d'objets, porte-bonheur, plantes et herbes aromatiques pour effectuer toutes sortes de rituels traditionnels. En Bolivie, on fait des offrandes à la terre mère, la Pachamama, que l'on appelle des mesas. Il y a plusieurs types. Les mesas sucrés, avec des petits éléments fabriqués en sucre, représentant la chance, l'argent, la santé, la réussite. On y ajoute des feuilles de coca, de l'alcool, et on la brûle devant chez soi. Il y a aussi la mesa negra, pour faire partir tout le mal. Elle est à base de graines, de racines et différentes herbes que l'on ébouillante pour ensuite se laver les pieds et les mains avec. Les gens entrent ici pour demander de tout. Ils expriment ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, et Marta leur prépare la mesa dans un petit paquet avec tous les ingrédients nécessaires pour faire leur offrande. Dans sa boutique, on y trouve aussi de nombreux remèdes à base d'herbes aromatiques. La quina y la jarilla. La llama Un des éléments les plus surprenants que l'on vient acheter ici sont les fœtus de lama. La tradition est d'en enterrer un dans les fondements ou devant sa nouvelle maison ou nouvelle entreprise pour se porter chance. Martha nous raconte que les fœtus viennent d'avortements naturels. C'est un animal sacré que l'on donne à la Pachamama, mère nourricière, pour qu'elle protège notre maison. Nous croisons Alejandro aussi, qui nous parle de ses propres rituels, démontrant le mixage entre les croyances à la terre-mère et la religion catholique très présente ici. Ce syncrétisme, une vraie richesse de la culture bolivienne. Par exemple, moi, sans une question de respect, on dit moi, si bien je ne suis pas très accro à tous les rituels, mais moi, toujours, je jette un peu une goutte. Parce que quand je vais boire quelque chose, pardon, par exemple, je vais prendre un verre d'alcool, toujours, je vais jeter un peu une goutte, n'importe dans quel endroit. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de remercier à la Mère Terre pour me donner un verre. Et donc, je vais partager avec la nature, avec elle. C'est ma façon de dire merci pour être ici. Et aussi, tu arrives dans un endroit, tu dois jeter un peu d'alcool. Et moi, j'avais toujours ma petite bouteille d'alcool. Pourquoi ? Parce que tu fais, comment dire, une espèce de permission. Tu demandes une permission pour entrer dans cet endroit. Par exemple, quand tu commences à faire un trek, c'est mieux de jeter un peu d'alcool. Ou quand tu arrives dans les apachetas, moi, je fais toujours avec la feuille de coca, tout ça. Qu'est-ce que c'est la pacheta? La pacheta, c'est l'école. Non? Et là-bas, il y a des pierres, des fois, où il y a des enfants pour la mère terre Pachamama. Et moi, quand tu arrives à finir un col, tu dis, oh, j'ai fini, donc je vais remercier. Tic, tic. Je suis catholique, confirmé. Mais ici, en Bolivie, la religion est syncrétisée. Il y a un mélange des deux religions, le syncrétisme. Entre la religion, les rituels ou religion, je veux dire, pas rituel indigne, la religion catholique. Par exemple, la Vierge, elle est liée avec la montagne, ou la Pachamama. Dans le quartier historique, nous empruntons la calle Raen, une des dernières rues coloniales de la ville, avec ses pavés et ses maisons de couleur. Nous prenons le temps de pousser toutes les portes pour y découvrir de petites cours intérieures, des galeries, le musée des instruments de musique, et nous rencontrons Rosario. Elle nous parle de culture, de mode vestimentaire, de tradition, et nous invite à essayer ses nombreux jupons de cholitas, 7 superposés paraît-il, en nous en livrant tous les secrets. Nous déjeunons ensuite à une des tables communes du marché, au milieu des paseños. Le choix des plats y est riche, et les odeurs de viande grillée à la sauce à l'ajo se mélangent à celles des fritures et autres soupes épicées. Nous rejoignons El Alto en téléphérique. Nous survolons des maisons à perte de vue. Nous nous immiscons au-dessus des cours intérieures, des terrasses où sèchent les vêtements traditionnels, les costumes de danse. À flanc de falaise sont perchés les chamans qui dirigent les cérémonies d'offrande à la Pachamama. On s'aventure chez l'un d'eux pour se faire lire les feuilles de coca. Bon, on ne peut pas être à La Paz et échapper à la lecture de l'avenir dans la feuille de coca. Moi qui suis très ouverte et réceptive au monde ésotérique, je ne peux pas échapper à cette expérience-là. J'ai hâte, très très hâte. Impatiente et excitée, je me pose alors quelques questions. Est-ce qu'il y aura plusieurs feuilles de coca ? Une seule ? L'unique feuille dans laquelle est écrite ma vie ? Ça se fait où ? Dans la rue ? Je pourrai emmener la feuille de coca avec moi après ? En plein vent, nous arpentons l'allée où il y a une trentaine de cabanes ou maisonnettes, toutes de la même couleur, avec une croix andine apposée. Il fait pas chaud du tout. Devant les cabanes ouvertes, il y a des pancartes indiquant les services proposés. Lecture des cartes, rites pour se purifier, rituels pour éviter les infidélités matrimoniales, rituels pour attirer l'homme de sa vie ou encore de l'argent. Et enfin, la fameuse lecture de la coca. Tout de suite, j'adore. En effet, ça sent le Palo Santo, bois sacré au bâton saint, que l'on fait brûler pour purifier un endroit, appelé aux énergies positives, pour les cérémonies locales en hommage à la Pachamama. C'est particulier, mais j'adore. Cette odeur, c'est la Bolivie pour moi. Il y a aussi des grosses statues de crapauds géants, un peu partout. Animal important dans le syncrétisme bolivien. Les toucher porte bonheur. Et hop, ça s'enchaîne. On s'arrête devant la cabane de Don Pablo, il saute sur l'occasion, se précipite vers la porte et nous dit d'entrer à la hâte, comme s'il avait des trésors à nous montrer. Drôle de sensation. Il nous enferme dans sa cabane de 3 mètres carrés, de quoi mettre un mini-lit, type campement, une chaise, une vierge, un petit tabouret à ranger et bien sûr des feuilles de coca. Il allume une petite lumière. Don Pablo est plus excité que moi. Il parle et parle, on ne comprend pas toujours. Un mélange d'espagnol et d'aïmara. Je le trouve très drôle. Il explique comment il faut lire la feuille de coca. Eh oui, il faut la lire correctement. Et attention, il existe des charlatans et lui, ce n'est pas un charlatan. Il nous fait bien comprendre cela. La coca doit toujours tomber la tête vers le haut pour que ce soit positif. La lecture va durer environ 30 minutes. Je lui donne 10 bolivianos, 1,20€ environ, qu'il pose sur sa mini-table et par-dessus pose une croix catholique. On y est. On est dans le syncrétisme bolivien. Ya, señora. Los dos está bien. Maldición, si van a escapar así, mira. Hacia abajo, ¿no? Bon, en gros, tout va bien pour moi et tout ira bien. Ouf. En fait, c'est pour mon compagnon que ça va mal. Apparemment, il rencontre des problèmes. J'en parlerai avec lui ce soir. En tout, il me fera 4 tirages à la suite. À chaque fois, il prendra une bonne poignée de coca séchée dans un petit sac et les lancera sur la table en implorant quelques personnages de rituel. Il pousse parfois des sons aigus, c'est même très drôle. Il finira par me dire que la feuille de coca me recommande de faire une messa. Une messa, c'est un rituel général pour retirer les énergies négatives, enlever tous les problèmes. Il me donne donc sa petite carte pour que je le contacte plus tard. Bon, c'est fini, on sort de sa maisonnette, on se salue. Tout le monde nous regarde dehors, on ne passe pas inaperçu. L'expérience est enfin vécue. Nous redescendons par le cimetière général. Loin d'être effrayant ou triste, ce cimetière unique est animé, coloré par de grandes fresques murales et décoré par les familles des défunts. Ici, la mort est fêtée. On chante, on danse et on fait des offrandes pour honorer les proches disparus. Nous passons ensuite par la Calle de los Andes, rue des costumiers de carnaval, des boutiques et des couturiers. On pourrait regarder pendant des heures le travail minutieux des fabricants de masques de la Diablada. Plus tard, en direction du marché, on trouve des chapeaux sur mesure, des bijoux en tout genre et des jupons de Cholita. On saute alors dans un colectivo pour retourner vers Sopocachi pour une soirée au calme de l'agitation paseña.